Chapitre 4. Jean sortit le lendemain matin pour faire sa promenade habituelle. Mais après sa tournée dans les bois, au lieu d'enfiler le petit chemin, il prit la grande route, ne voulant pas s'exposer à rencontrer le châtelain dans l'avenue. Ce jour-là, les paysans qui réglaient leurs travaux, d'après le passage de Jean, au haut de la côte, ratèrent l'heure du déjeuner.